أنا أنصحك أن تخرج معهم، لأن هؤلاء أولا ليس عندهم علم بالإسلام حتى الإسلام التقليدي، فضلا عن الإسلام السلفي. هؤلاء يهتمون بهذا الخروج العددي، وعددهم لا يساوي عالما، ولذلك نحن ننصحهم كما ننصحك أنت معهم أن تلزموا المساجد وأن تلزموا حلقات الذكر، وهي حلقات العلم، دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. أما الخروج التبليغي هذا فهي وسيلة عصرية تفرزت بها هذه الجماعة التي أنا أسميها بأنها صوفية عصرية، أي إنها جماعة ورثوا شيئا من طرق الصوفية، لكن حاولوا أن يجعلوها تختلف في بعض مظاهرها وإشكالها عن الطرق الصوفية السابقة، وهو بهذا التنظيم الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله. هذا الخروج ليس من سبيل الله، بل هو من البدع كما سمعت، لأن المسلمين مضى عليهم هذه 14 قرنا، وما كان هناك في جيل من هذه الأجيال وبخاصة القرن الأول والثاني والثالث جماعة يخرجون للدعوة وهم بحاجة إلى الدعوة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرسل من هو عالم من علماء الصحابة كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ودحية الكلبي ونحوهم، كان يرسل العلماء ليدعو المسلمين. أما أن يخرج 10-20 شخص كما يفعل جماعة التبليغ، فهذا بلا شك من محدثات الأمور، ولعلك سمعت قول الرسول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة. Ceci est la réponse de l'éminent Cheikh Mohamed Nasser Din Albani rahimahullah à un questionneur qui demandait son avis quant à sortir avec le groupe de Da'wa et Tablir. Cheikh Albani lui rétorqua alors: nous ne te conseillons point de sortir avec eux, parce que ces gens n'ont pas une connaissance de l'islam, ne serait-ce que de l'islam traditionnel, et a fortiori de l'islam salafi. Ces gens savent faire beaucoup au fait de sortir en grand nombre, alors que leur nombre n'équivaut pas à un seul savant. C'est pourquoi nous leur conseillons, et nous te prêtons conseil avec eux, de demeurer dans les mosquées et de persévérer dans les cercles de dhikr, qui sont les cercles d'étude du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est votre devoir. Tandis que s'agissant de ce khuruj, ces sorties tablighi, c'est un moyen moderne par lequel s'est distingué ce groupe que j'appellerai un groupe soufi moderne. C'est-à-dire que c'est un groupe qui hérita des choses des sectes soufis, mais il a essayé de les camoufler pour les rendre différentes des apparences et formes soufis précédentes. C'est-à-dire par cette organisation qu'il appelle sortir pour le sentier d'Allah, khuruj fi sabilillah, Ces sorties ne font pas partie du sentier d'Allah, laysa min sabilillah. Elles font plutôt partie des innovations, comme tu viens d'écouter. Parce que 14 siècles se sont déjà écoulés et les musulmans n'ont pas connu une chose pareille dans l'une de leurs générations, et surtout les trois premiers siècles. Où un groupe sortirait pour la da'wa, alors qu'eux-mêmes ont besoin de da'wa? Le prophète, alayhi salatu wasalam, ne faisait qu'envoyer l'un des savants parmi les compagnons, comme Mu'adh ibn Jabal, Ali ibn Abi Talib, Abi Musa al-Ash'ari, Dihya al-Kalbi et leurs semblables. Il envoyait les savants pour enseigner aux musulmans. Or, que 10 personnes ou 20 sortent, comme le fait ce groupe de Tablir, ceci est sans doute une innovation. Et peut-être aurais-tu entendu la parole du prophète. Méfiez-vous des choses nouvelles, car certes, toute chose nouvelle, entendre en religion, est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et dans l'autre hadith, et tout égarement est voué au feu.